députés. Monsieur le Président de la République, le sentiment que j'exprime ce soir est celui de ma génération, celle des femmes et des hommes qui, au Maroc, conjuguent l'enthousiasme de la jeunesse avec la raison et la lucidité qui, naturellement, accompagnent le combat que nous voulons prioritaire pour plus et mieux de développement, plus et mieux de croissance, plus et mieux de rayonnement spirituel et de capacité à nous ouvrir à l'autre et aux autres. Ce sentiment, mesdames et messieurs, est aussi celui d'un monarque, d'un chef d'État arabe et musulman, qui veut, avec le siècle naissant, partager avec le peuple français sa vision d'un espace régional de solidarité et de modernité qui, des deux côtés de la Méditerranée, saura débarrasser nos sociétés de ce qui leur reste d'archaïsme et de ces vieilles peurs qui ont trop longtemps hanté et embrumé nos esprits. Dakar, mars 2000.